Chapitre 9. Des moyens de détruire l'esclavage des nègres par degrés. Si les raisons que nous venons d'exposer paraissent suffisantes pour ne point employer le seul moyen de détruire l'esclavage, qui soit rigoureusement conforme à la justice, il y en a d'autres qui peuvent, du moins à la fois, adoucir l'état des nègres dès les premiers instants et procurer la destruction entière de l'esclavage à une époque fixe et peu éloignée. Mais si nous les proposons, c'est en gémissant sur cette espèce de consentement forcé que nous donnons pour un temps à l'injustice et en protestant que c'est la crainte seule de voir traiter l'affranchissement général comme un projet chimérique par la plupart des politiques qui nous fait consentir à proposer ces moyens. Premièrement, il ne peut y avoir, pour les gouvernements, aucun prétexte pour tolérer ni la traite des nègres faite par les négociants, ni aucune importation d'esclaves. Il faut donc défendre absolument cet horrible trafic, mais ce n'est point comme contrebande qu'il faut le prohiber, c'est comme crime. Ce n'est point par des amendes qu'il faut le punir, mais par des peines corporelles et déshonorantes. Celles que, dans chaque pays, on décerne contre le vol pourraient suffire. Nous ne faisons sans doute aucune comparaison entre un voleur et un homme qui trafique de la liberté d'un autre homme, qui enlève de leur patrie les hommes, les femmes, les enfants, les entassent, enchaînés deux à deux dans un vaisseau, calculent leur nourriture, non sur leurs besoins, mais sur son avarice, qui leur lie les mains pour les empêcher de mourir, qui, s'il est pris de calme, jette tranquillement à la mer ce dont la vente serait le moins avantageuse, comme on se débarrasse d'abord des plus viles marchandises. On peut commettre des vols et n'avoir point étouffé tous les sentiments de l'humanité, tous les penchants de la nature, sans avoir perdu toute élévation d'âme, toute idée de vertu. Mais il ne peut rester à un homme qui fait le commerce des nègres ni aucun sentiment, ni aucune vertu, ni même aucune probité. S'il en conservait quelque apparence, ce serait de cette probité des brigands qui, fidèles à leurs coupables engagements, bornent leur morale à ne point se voler entre eux. Cette première disposition de la loi adoucirait le sort des nègres dans le premier moment, parce que les propriétaires auraient un intérêt beaucoup plus grand de conserver leurs esclaves. Plusieurs des colonies angloïdes de l'Amérique septentrionale ont prohibé l'importation des nègres il y a déjà quelques années. Ce n'est pas le seul exemple d'humanité et de raison qu'elles donneront à l'Europe, si leur prévention en faveur de la Constitution et des principes politiques de l'Angleterre, si les préjugés de l'esprit mercantile, si la fureur pour le papier-monnaie et l'agiotage des effets de banque n'y viennent pas détruire les sentiments d'amour et de paix, de respect pour l'humanité, de tolérance, de zèle pour le maintien de l'égalité, qui paraissent caractériser ce bon peuple. La seconde disposition aurait pour objet l'affranchissement des nègres qui naissent dans les habitations et qu'on ne peut avoir aucun prétexte de soumettre à l'esclavage. Un officier général de la marine de France, distingué par ses lumières et son humanité, a proposé de déclarer libres tous les enfants qui naîtraient mulâtres. Note de bas de page. Monsieur de Bory, chef d'escadre, ci-devant gouverneur des îles françaises, il y a quelque temps que les habitants de la Jamaïque s'assemblèrent pour prononcer sur le sort des mulâtres et pour savoir si, attendu qu'il était prouvé physiquement que leur père était anglais, il n'était pas à propos de les mettre en jouissance de la liberté et des droits qui doivent appartenir à tout anglais. L'assemblée penchait vers ce parti lorsqu'un zélé défenseur des privilèges de la chair blanche s'avisa d'avancer que les nègres n'étaient pas des êtres de notre espèce et de le prouver par l'autorité de Montesquieu. Alors, il lut une traduction du chapitre de l'Esprit des lois sur l'esclavage des nègres. L'assemblée ne manqua point de prendre cette ironie sanglante contre ceux qui tolèrent cet exécrable usage ou qui en profitent pour le véritable avis de l'auteur de l'Esprit des lois. Et les mulâtres de la Jamaïque restèrent dans l'oppression. Cette anecdote m'a été certifiée par M. Dell, officier anglais, connu en France pour plusieurs pièces qu'il a données à la Comédie de Paris. Chez les habitants des Philippines, les enfants naturels des femmes esclaves naissent libres et la mère le devient. À l'île de France, l'un et l'autre sont esclaves. M. Le Gentil y a vu avec horreur des pères vendre leur propre enfant avec la mère. Le Gentil, Voyage dans les mers de l'Inde, tome 2, page 72. Voyez ce qu'il dit dans le même volume des habitants de Madagascar. C'est un nouveau déclamateur, dont il faut augmenter la liste de ceux qui ne trouvent pas que l'esclavage des nègres soit une invention fort juste, fort humaine et fort utile. Fin de note. En effet, ils n'ont été mis au nombre des esclaves que par une application ridicule de la loi romaine, partus ventrem sequitur. Il est singulier peut-être qu'une loi tyrannique établie par des brigands sur les rives du Tibre, renouvelée par le mari d'une courtisane sur les bords de la Propontide, fasse encore au bout de 2000 ans des malheureux dans les mers de l'Amérique. Mais enfin, cette loi ne pouvait avoir qu'un motif, la certitude de la mère et l'incertitude du père. Ici, le père est aussi certain que la mère. On sait qu'il est blanc et libre par conséquent. La maxime « partus colorem sequitur » paraît donc bien plus juste et, puisqu'il faut toujours citer quelques axiomes de droit, plus conforme à cette règle si ancienne que, dans les cas douteux, la décision doit pencher vers la douceur et en faveur de l'opprimé. Nous ne voyons à cette loi, juste en elle-même, qu'un seul inconvénient, les traitements barbares dont on accablerait les négresses soupçonnées de porter dans leur sein un enfant inutile à leur maître, les cruautés qu'on exercerait sur celles qui auraient été convaincues de ce crime et la nécessité d'avoir un établissement public pour ces enfants. L'affranchissement de tous les enfants à naître, noirs ou mulâtres, a les mêmes inconvénients. À la vérité, dans ce cas, l'intérêt bien entendu des maîtres ne serait pas d'empêcher de naître des gens dont les bras doivent un jour leur devenir utiles. Mais cette idée de se réserver, pour un temps éloigné, un homme dont il faudrait payer le salaire, frapperait moins un colon que la perte du travail des négresses grosses. Ainsi, ces lois justes, dictées par l'humanité, deviendraient une source de crime. Nous proposerons donc, non d'affranchir les nègres à naître au moment de leur naissance, mais de laisser aux maîtres la liberté de les élever et de s'en servir comme esclaves, à condition qu'ils deviendront libres à l'âge de 35 ans, le maître étant obligé, à cette époque de liberté, de leur avancer les vivres, l'entretien pour 6 mois et une pension alimentaire pour la vie, s'ils sont estropiés ou jugés hors d'état de travailler par un médecin chargé de cette inspection. Si le maître refusait de se charger de l'enfant, il serait déclaré libre et porté à un établissement public. La mère serait transportée au même établissement avant l'époque de ses couches et y resterait une année après l'accouchement, terme auquel on fixerait le temps nécessaire pour allaiter son enfant. Cette perte de travail serait un petit sacrifice que le colon ferait à l'humanité et une bien faible compensation pour tant d'outrages. On aurait sans doute tout lieu de craindre que les maîtres qui ne voudraient pas se charger d'enfants ne fissent avorter les négresses à force de travaux ou de mauvais traitements. On peut diminuer ce danger en ordonnant, chaque 2 mois, une visite dans toutes les habitations. Cette visite, faite par un médecin ou un chirurgien, accompagnée d'un homme public, constaterait l'état de grossesse de chaque négresse. Dans le cas où l'avortement aurait lieu, si les gens de l'art destinés à cette fonction étant appelés à temps le juger produit par la fatigue ou par les mauvais traitements, la négresse serait guérie aux dépens du maître, déclarée libre, et le maître condamné à lui payer des aliments, soit pour le temps où il sera jugé qu'elle est hors d'état de travailler, et pour 6 mois de plus, soit pour la vie, si les infirmités sont incurables. Si l'on ne présentait point l'enfant d'une négresse, inscrite parmi les femmes grosses, et que le médecin n'eût pas été appelé pour constater la naissance ou l'avortement, la négresse serait déclarée libre. Il n'y aurait point d'injustice dans cette loi, le législateur ayant non seulement le droit, mais étant obligé, par la justice, de détruire tout esclavage. L'affranchissement d'une négresse, fait sans motif, ou même en vertu d'une erreur, est toujours une chose juste. Le maître est, dans le cas d'un homme à qui l'on aurait permis de voler, sur un grand chemin, toutes les femmes qui ne seraient pas grosses, et à qui on ferait restituer ce qu'il a volé à l'une d'elles, parce qu'on se serait trompé sur son état. Quant aux aliments exigés du maître, quelle que soit la cause de l'état d'infirmité où se trouve un esclave, il est de l'exacte justice d'obliger le maître à lui donner des aliments, parce que l'on peut toujours supposer que, si l'esclave eût été libre et né de parents libres, il eût pu épargner ou hériter un pécule suffisant pour subvenir à ses besoins. On déclarerait libre à 40 ans les nègres qui seraient au-dessous de 15 ans au moment de la publication de la loi. Quant à ceux qui seraient alors au-dessus de 15 ans, du moment qu'ils auraient atteint 50 ans, il leur serait demandé, à une visite générale faite 2 fois chaque année, ce qu'ils préfèrent, ou de rester chez leur maître, ou d'entrer dans un établissement public dans lequel ils seraient nourris. Et, s'ils choisissent cette maison, leur maître qui a profité du travail de toute leur vie serait obligé de payer une pension annuelle fixée par la loi. Cette condition ne serait pas injuste à l'égard du maître. Après avoir exercé pendant 50 ans une injustice horrible sur ces malheureux, après avoir profité plus de 30 ans de leur travail, il leur doit, en vertu du droit de la nature et indépendamment de toute loi, non seulement la nourriture, mais un dédommagement. Cependant, nous respectons trop l'avarice des maîtres pour rien demander au-delà de la plus simple nourriture. On pourrait craindre que ce changement ne rendît plus dur le sort des nègres actuellement esclaves. Ainsi, il y faudrait pourvoir par une autre disposition de la loi. Dans les visites faites chaque 2 mois, tout nègre, sur le corps duquel le médecin trouverait des marques de mauvais traitement, serait déclaré libre, tout nègre malade et qui manquerait des secours nécessaires après l'examen du médecin, serait déclaré libre, transporté hors de l'habitation, guéri aux dépens du maître et nourri à ses frais jusqu'à ce qu'il fût en état de travailler. En général, la pension de tout nègre hors d'état de travailler serait toujours, ou pour tout le temps que peut durer son infirmité, ou pour la vie, s'il est assez malheureux pour que son infirmité ne puisse avoir d'autre terme. Si le nègre déclaré libre est encore enfant, ou s'il est au-dessus de 45 ans, le maître sera condamné à lui payer chaque année la somme que peut valoir la nourriture d'un nègre, ou jusqu'à l'âge de 15 ans, ou jusqu'à la mort. Nous ne parlons, dans ce dernier article, que des Noirs qui peuvent rester esclaves à perpétuité et de leurs enfants. Les esclaves engagés jusqu'à 35 ans sont des citoyens capables d'avoir action devant les tribunaux pour forcer le maître à tenir les conventions faites en leur nom par la loi ou de les faire punir de les avoir violées. Ils peuvent donc demander également justice pour leurs enfants. Ainsi, non seulement il faudrait que cette classe de nègres obtînt la liberté et les dédommagements dans le même cas que les autres, mais on ne pourrait leur ôter le droit d'appeler leur maître devant les tribunaux lorsqu'ils se croiraient lésés. En effet, ils ne sont point réellement esclaves, ils ne sont que des domestiques, engagés à temps. On réglerait pour eux une forme de mariage pour laquelle, pendant le temps de l'engagement, le consentement du maître serait nécessaire si les deux époux n'étaient pas sur son habitation ou que l'un d'eux fût esclave non engagé. La naissance, la mort de chaque nègre seraient constatées légalement. Tout nègre que l'on trouverait dans une habitation, sans que sa naissance fût constatée, serait déclaré libre. Si un nègre, homme ou femme, a disparu sans que le maître puisse prouver qu'il a pris la fuite, l'officier public délivrera, à son choix, 2 esclaves du même sexe, entre 20 et 30 ans. Il n'est peut-être pas inutile de répéter ici que cette disposition n'est point injuste, quand même le maître serait innocent de la disparition de l'esclave. En effet, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas seulement 2 esclaves, mais tous les esclaves que le législateur a droit et même est dans l'obligation d'affranchir. Le maître sera tenu de nourrir les enfants des esclaves engagés à temps, puisqu'il a profité et qu'il profite encore du travail de leurs parents. Ces enfants deviendraient libres à l'époque de la liberté de leur père et à celle de la liberté de leur mère si le père était mort esclave ou qu'il fût de la classe des esclaves perpétuels, ou enfin que l'enfant fût illégitime. Ce serait à l'âge de 18 ans qu'on accorderait aux enfants mâles ou femelles des nègres esclaves perpétuels le droit d'intenter une action personnelle contre leur maître. Si l'action était admise, ils seraient pendant la durée de l'action placés aux dépens du maître dans un établissement public. Il y aurait dans chaque colonie ou dans chaque canton un officier public chargé spécialement de défendre les causes des nègres. Et le même officier serait le tuteur des enfants des nègres esclaves au-dessous de 18 ans et pourrait poursuivre les maîtres lorsqu'ils jugeraient que leur délit ne serait point assez puni par l'affranchissement de ces enfants engagés et la condamnation à leur payer des aliments. Enfin, on formerait un tarif fixant le prix moyen de la valeur d'un nègre suivant les différents âges pour les différentes époques d'engagement. Et tout nègre qui offrirait ou pour qui on offrirait à son maître la somme fixée par le tarif, serait libre du moment où l'offre serait déposée chez un officier public. Cet article aurait surtout l'avantage de délivrer les négresses de tout ce que la débauche et la férocité de leur maître les exposent à souffrir. L'humanité, ou même l'incontinence, les aurait bientôt délivrées, car ce ne serait point pour les faire changer d'esclavage, mais seulement pour les affranchir, qu'il serait permis de les racheter. Si, après avoir eu connaissance du dépôt fait chez l'officier public, un homme détenait l'esclave contre sa volonté, s'il retenait un esclave au-dessus du terme que la loi a fixé à l'esclavage, alors, et dans tous les cas semblables, le maître se serait rendu coupable du crime de retenir un homme libre dans l'esclavage et devrait être puni comme pour un vol. Cette législation n'aurait aucun des inconvénients qu'on suppose toujours aux changements trop brusques, puisque les affranchissements ne se feraient que peu à peu. Elle donnerait à la fois aux colons le temps de changer insensiblement leur méthode de cultiver, de se procurer les moyens de faire exploiter leurs terres, soit par des blancs, soit par des noirs libres, et au gouvernement, celui de changer le système de la police et de la législation des colonies. Il en résulterait qu'en portant à 50 ans le terme de la fécondité des négresses et à 65 celui de la vie des nègres, il ne resterait plus aucun esclave dans les colonies au bout de 70 ans. Que la classe des nègres esclaves pour leur vie finirait au bout de 50, qu'à cette époque même, celle des nègres engagés serait peu nombreuse, qu'enfin, après 35 ans à 40 ans, le nombre des nègres esclaves serait presque anéanti et même celui des nègres engagés dans l'esclavage pour un temps réduit tout au plus au quart du nombre actuel.